jure, je me lève, t'es pas là. J'aurais pu tout perdre, maman, mais bolingona n'a été. Comme si dans mon cœur t'as mis un poignard. Une marque indélébile pour me dire que Bosana n'a été. J'ai vu des hommes tomber d'en haut, se relever, mais moi j'arriverai jamais sans toi. J'ai essayé de recommencer, mais sans espoir, c'est dur de vivre avec un corps sans âme. Commencer une autre histoire, j'essaie de dire la suite d'un livre.